Alors imaginez-vous que par une nuit noire, vous croisez un fantôme qui parle le mandarin. Qu'est-ce que vous lui dites pour l'effrayer ? Pou. Alors à chaque fois qu'il est placé devant un mot, qui comme lui est un mot prononcé avec le doigt noir pointé vers le sol, ce ton court et sec, les Chinois deviennent très nerveux. Ils ne supportent pas de l'entendre devant un autre son dit avec le doigt noir pointé vers le sol. Alors cette fois encore, nous avons trouvé une solution géniale que l'on appelle trampoline. On monte avec le bou, puis on redescend avec le mot suivant. C'est un doigt bleu levé vers le ciel, suivi d'un doigt noir pointé vers le sol. Voici donc comment on dira « il n'est pas français ». Ta bu shi fa guo ren, bu shi. Alors, faisons un peu de trampoline maintenant. Le bu, bu, doigt bleu levé, bu shi. Alors, rien de tel qu'un peu d'exercice. Alors, montons sur le trampoline avec « n'est pas » ou « ne pas être ». Alors, comment direz-vous cela ? Bu-shi. Bu-shi. Comment dites-vous « n'est pas » ? Bu-shi. Bu-shi. Alors, doigt bleu levé, doigt noir pointé vers le sol. Il n'est pas chinois. Il Ta. Ne pas être. Bu. Shi. Chine, personne. Zhong guo ren. Ta bu shi zhong guo ren. Alors, comment direz-vous nous sommes chinois, mais elle n'est pas chinoise? Et rappelez-vous qu'en chinois, les mots ne changent pas au féminin. Et donc le mot chinois et chinoise se diront de la même manière. Traduisez d'abord nous. Wo men sommes. Shi chinois ou chine personne. Zhong guo ren mais. Ke shi elle. Ta. Ne pas être. Bu shi. Chinoise ou chine personne. Zhong guo ren. Comment dites-vous ne pas être? Bu shi. Il faut dire bu shi. Bu shi. Non, ce n'est pas encore ça, il faut utiliser le trampoline. Comment diriez-vous un? Qu'est-ce que tu dis? Un? Allez, répétez après moi. Un? Un? Alors, comment dites-vous n'est pas? Bu shi. C'est ça, bu shi. Et la phrase entière est Wo men shi zhong guo ren. Ke shi, ta bu shi zhong guo ren. Et maintenant, dites-moi, elles sont anglaises, elles sont très occupées. Alors, y a-t-il une différence en chinois entre il et elle? Non, c'est pareil. Donc, dites-moi elle au pluriel. Tam. Son. Shi. Angleterre. Ying. Guo. Personne. Ren. Elles sont occupées. Elles. Tam. Le mot vide occupé. Han. Mang. Han. Mang. Tam. Shi. Ying. Guo. Ren. Tam. Han. Mang. Alors, comment direz-vous « nous ne sommes pas occupés » ? Nous. Wo men. Ne pas. Bu shi. Que venez-vous de dire ? N'est pas. Je voudrais entendre « pas occupé », ne pas être occupé. 不忙。 我们不忙。 Maintenant, comment direz-vous « Es-tu français ?»« Tu ?»« Ni ?»« Est ?»« Shi ?»« France ?»« Fa ?»« Guo ?»« Personne ?»« Ren ?»« Ma ?» Alors là, vous m'avez devancé pour le « ma ». Pardon. Non, c'est très bien. Merci. « Ni shi fa guo ?» Alors dites-moi, non, je suis anglais. Non. Donc, vous allez monter sur le trampoline. Bu-shi. Je suis anglais. Je. Wo. Suis. Shi. Angleterre. Ying-guo. Personne. Ren. Bu-shi. Wo-shi. Ying-guo-ren. Et comment direz-vous, nous sommes tous anglais, mais elle est française. Alors, nous. Wo-men. Tous. Do. Sommes. Shi. Angleterre, personne. Ying guo ren. Mais. Ke shi. Elle est française. Elle. Ta. Est. Shi. Française. Fa guo ren. 我们都是英国人，可是他是法国人。